Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. Cette semaine au Mathieu Plante Show. Dans tout ce qui bouge, une université offrira un service de navette sans conducteur sur son campus. Dans Technologie Intervision, la chaîne américaine Science Salon diffusera l'éclipse solaire totale en direct. Dans Merci Science, votre visage peut révéler si vous êtes riche ou pauvre. Et dans le segment Geek CNX, Google finance une rédaction composée uniquement d'ordinateurs. Et le Mathieu Plante Show commence tout de suite. Voici celui qui s'annonce lui-même pour aider le budget de ses fous, Mathieu Plante! Bonjour, bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, dans l'émission de la semaine du 10 juillet 2017, comme toujours, la chronique télévisuelle Television Television, la chronique de sciences, technologie, médecine, merci science et le segment Geek CNX. Dans une demi-heure environ, je dirais plus ou moins, ce sera la chronique sur les jeux vidéo avec notre collaborateur Frédéric Simon. Salut Frédéric. Salut Mathieu. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Oui, c'est le fun de t'avoir aux deux semaines toujours. Oui. Ça va très bien cet été, on aime ça? Oui. Beau petit beat de prix entre nous deux. Comme un gelo dans le frigidaire. Oui, je travaillais ce matin, je me suis levé à 5 heures, mais ça va bien. Ah ben, Colin, la journée va être longue. Eh oui. Eh oui. Alors, de quoi tu nous parles aujourd'hui? J'ai entendu parler de top 5. Oui, en fait, je vais y aller de quelques décomptes sur l'univers du gaming, mais ça va être très large, genre des raisons pour lesquelles on devrait dater un gamer. Oh! Wow! Est-ce que le top, le décompte finit par un game over ou dans... Non. Non. Mais il y a quand même quelques bonnes raisons. Génial, on en parle tantôt dans une demi-heure environ. Avant ça, ça va être la chronique Tout ce qui bouge dans quelques instants. Mais pour commencer, on a entendu du chiptune, évidemment. La première pièce était par Venom, mais c'était Big Beat. Et on continue avec un autre habitué. On l'écoute, je pense sans exception, depuis le début de l'été, à chaque semaine. C'est encore une fois Amateur LSDJ. Voici Distance MPS de Mathieu Plante Show sur C'est tout. Tyrese avec Distance. Tyrese aussi connu sous le nom de Amateur LSDJ. Pour Mathieu Plantisson. Et maintenant, c'est le segment Tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge, la chronique dans laquelle on parle de tout ce qui bouge, étrangement. J'ai Frédéric Simon avec moi pour commenter si jamais il y a quelque chose à dire. Comme toujours. Toujours là. C'est ça, toujours à l'écoute. Apparemment que je parle vite aujourd'hui, fait que tu me feras signe. Ralentis ton débit. Excellent. L'avenir de l'ascenseur dans un vélo vertical qui fonctionne sans électricité, pour commencer. Comprenez, tu sais, les marches qui montent automatiquement, comment t'appelles ça, un escalator. Ouais, c'est ça. Quand tu prends ça, tu te sens mal. Tu fais comme genre, ben là, je pourrais au moins monter les escaliers moi-même, hein? Mais donc, ici, on a deux Britanniques, deux jeunes actifs britanniques, l'une architecte et l'autre ingénieure. Et ce vélo vertical pourrait remplacer les escalators et les ascenseurs dans les maisons et les bureaux. Donc, on parle pas juste de gratte-ciel de 58 étages, comme dans ce cas-ci. Donc, Elena Lariba et John Garcia ont développé le concept de Vehicle, un système de vélo vertical conçu comme un véritable transport en hauteur et qui fonctionne grâce à un système entièrement mécanique par un mouvement cyclique continu. Grâce aux différentes vitesses présentes sur l'engin, on peut monter plus ou moins vite et avec plus ou moins de facilité, de sorte que le Vehicle, comme Bicycle puis Vertical, puisse s'adapter à un panel plus large de population selon l'âge et la forme physique. A priori, ce vélo vous emmènera vers le ciel sans avoir à fournir un effort démesuré. Il s'agirait de ne pas arriver donc trop brûlé, mais vous allez brûler davantage de calories avec cet escalier-là qu'avec un escalator. Donc c'est comme une alternative, si on veut. Ensuite, parlons de cette université qui va offrir des petites balades en voiture sans conducteur, donc une navette sur le campus à partir de l'automne prochain. Les étudiants et les membres de la faculté de l'Université du Michigan, leur campus à Ann Arbor, vont avoir donc une autre option pour se promener sur le campus. Ça va être gratuit. C'est des véhicules connectés et autonomes. C'est le Centre de recherche en véhicules connectés et autonomes, MCT, qui va gérer ce programme-là, qui va permettre aux chercheurs donc de connaître quelques trucs de plus, donc ramasser des connaissances sur le fonctionnement de ce service-là dans le vrai monde et comment les gens y réagissent aussi. C'est de voir si les gens sont prêts à accepter ça de nos jours. Il va y avoir donc deux navettes électriques fabriquées par Navia Arma qui va couvrir des routes à chaque 10 minutes environ, donc faire l'aller-retour, chacun avec de la place pour 15 passagers, un peu comme la navette de la STR ici, mais pas par la STR, donc fiable. Donc ils vont être équipés d'un LiDAR pour comprendre l'environnement autour et puis bouger à des vitesses faibles. Ça va aller jusqu'à un maximum de 28 000 à l'heure. Chaque véhicule va avoir un GPS, des caméras à bord et des communications par Wi-Fi pour capturer les données alors que le véhicule conduira. Les caméras à l'extérieur du véhicule vont capturer les réactions et le comportement des gens sur la route, les cyclistes et les piétons. Donc voilà, ça se passe cet automne à l'Université du Michigan, campus de Ann Arbor. Ensuite, un véhicule autonome. Continuons là-dessus. Intel humanise l'interface pour faire moins peur. Tu vois, ils savent que le comportement des gens va être comme « Hein? Y'a pas de conducteur? Hein? » C'est quoi ça? C'est pas un cheval qui tire le... une chose à la fois. J'imaginais ma tante paniquer en se retournant. Appeler un véhicule autonome pour se faire transporter jusqu'à sa destination sans aucun intervenant humain peut avoir un côté mécanique qui faisant peur. Intel réfléchit déjà à donc humaniser les interactions homme-machine. L'un des aspects encore mal définis des véhicules autonomes sera la perception du public vis-à-vis de cette possibilité, notamment pour des services de transport. C'est une chose d'imaginer un véhicule capable de se débrouiller tout seul dans le trafic, mais c'est un autre d'en être le passager et de le laisser prendre les décisions. Cette approche peut être anxiogène avec l'impression de se retrouver prise au piège des machines et freiner l'adoption naturelle pour ce type de service. C'est pourquoi le groupe Intel réfléchit dès à présent aux moyens pour rendre l'expérience plus acceptable et moins stressante. Le site Roadshow décrit une petite expérience menée par le groupe américain sur son campus en Arizona où un service de transport en véhicule autonome a été simulé. Avant même d'entrer dans le véhicule, un affichage souhaite la bienvenue au passager en indiquant son nom, créant ainsi un lien avec le passager et individualisant l'interaction, sans compter l'aspect utile dans une flotte de taxis autonomes tous identiques, par exemple à la sortie d'un grand événement. Peut-être aussi pour pouvoir dire « Hey, j'ai oublié mon sac dans le taxi qui s'appelait Jean-Sébastien. » Je sais pas. Une fois à bord, toutes les opérations sont précisées grâce à des écrans. L'itinéraire et le temps restant sont indiqués en permanence et chaque événement particulier du trajet est expliqué par le véhicule. Un arrêt inattendu qui pourrait amener le passager à s'interroger sur le comportement du véhicule est expliqué par une voix de synthèse. Y'a rien qui fait moins peur qu'une voix synthèse, hein? Pas sûr. Moi, en tout cas, ça fait un petit peu science-fiction, ce genre de voix-là, puis ça me fait peur, plus que d'autres. On dirait que t'as pas de contrôle sur rien. Non, c'est ça. Je me ferai pas dire quoi faire par un robot. L'utilisateur sera alors que le véhicule s'est arrêté pour laisser passer un piéton, par exemple. L'objectif est que le passager se sente en confiance dans le véhicule et ait le sentiment de comprendre à la fois ce qui se passe et les réactions du véhicule. Ce dernier pourrait en outre répondre à certaines requêtes, comme s'informer de l'itinéraire. Peut-être combien de temps il reste avant qu'on arrive, j'ai envie de pipi, quelque chose comme ça. S'informer de l'itinéraire ou en programmer un nouveau à la volée, donnant l'impression aux passagers de conserver le contrôle de la machine et avec la possibilité de réaliser des ajustements fins de destination comme il le ferait avec un chauffeur humain. Comme peux-tu prendre un détour, faut que j'aille m'acheter des cigarettes au devant d'un. C'est peut-être là donc ce qui pourrait faire la différence entre divers systèmes de conduite autonome et permettra de vaincre les réticences des premières générations d'utilisateurs. Ensuite, Tesla a été choisi pour le plus grand système de stockage lithium-ion au monde. Donc, la compagnie de voitures électriques qui va se lancer dans les batteries lithium-ion. Il y en a déjà pour les maisons. Donc, le groupe Tesla va installer en Australie ce qui sera, selon son patron Elon Musk, le plus grand système de stockage d'électricité lithium-ion au monde, alimenté par un parc éolien géré par le français Neoen. Ce projet doit permettre de remédier aux carences du réseau électrique de l'État d'Australie méridionale qui avait été entièrement privé d'électricité l'an dernier à la suite de vents violents et de pluies torrentielles. Cet accumulateur aura une capacité de stockage de 100 MW, de quoi approvisionner 30 000 logements. Une batterie qui sera installée à Jamestown, à 230 km au nord d'Adelaide, et sera couplée avec le parc éolien de Hornsdale, géré par le producteur français d'énergie renouvelable, Noen. Voilà, le reste des détails sont sur assemblagerequis.com. Alors, on va ensuite dans l'eau avec un paquebot. Et apparemment qu'à bord des paquebots, la pollution de l'air est pire qu'au centre-ville. Ils disent pas le centre-ville de Trois-Rivières à côté de la Cougar. Non, mais là... Mais tu sais... Pour relativiser. Tu sais que je travaille là. Pas à Trois-Rivières, mais à Joliette. Tu travailles pour Courier. Ah, pour vrai? Ah, je savais pas ça. Qu'est-ce que tu fais? Mais je trie du papier de toilette. Une job de barbe, comme on dit. Oh! Je fais du chariot élévateur, donc je fais des commandes, puis je ship ça à travers. Wow! Puis attends, j'essaie de trouver d'autres gags que je pourrais faire qui sont faciles. À la fin de la journée, t'es au bout de ton rouleau. J'imagine. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? je t'en passe le papier. Oh! Il y en a plein d'autres, mais trois, c'est assez des petites dents. Oui. Dans l'humour. On va arrêter là. Quelle qualité de l'air dans les paquebots? Hein, depuis longtemps, des associations de protection de l'environnement et des scientifiques posent la question de la pollution due au transport maritime, notamment aux navires de croisière. Des journalistes britanniques ont embarqué à bord. Résultat, la teneur en particules ultra fines est deux fois plus élevée sur un paquebot que dans un centre-ville congestionné. Pour l'émission Dispatches Secrets of Your Cruise, diffusée au Royaume-Uni sur Channel 4. Des journalistes sous couverture ont embarqué à bord d'un navire de Piano Cruises afin de vérifier si les inquiétudes grandissantes des scientifiques quant à la pollution émise par les paquebots étaient fondées. À l'aide d'un compteur P-Track, ils ont... P-Track, on dirait un compteur de pipi. Vous vous occupez ça, P-Track, hein, chez Cougar, c'est bien populaire. Ils ont dénombré 84 000 particules ultra fines par centimètre cube sur le pont en aval des cheminées de l'Océana, soit le double de la moyenne du centre de Londres. Le niveau de particules ultra fines par centimètre cube à Piccadilly Circus, par exemple, est de 38 400. Ces particules mesurent moins de 0,1 micromètre, soit un millième de la largeur d'un cheveu humain. Encore une fois, le reste des détails sur assemblagerequis.com. Les photos, on va dans les airs maintenant. Les photos aériennes de drones ont été récompensées. J'adore, je sais pas si tu connais ça un petit peu, les fonds d'écran, entre autres, les photos de drones prises par-dessus. Je trouve ça ressemble un petit peu à un jeu vidéo style Grand Theft Auto 1. Okay. C'est vu par-dessus, c'est les photos en HD d'un drone, c'est vraiment super cool. Bref. Les prises de vue aériennes récompensées pour le quatrième concours organisé par Dronestagram en partenariat avec National Geographic. Donc pour la quatrième année consécutive, Dronestagram a organisé un partenariat avec National Geographic, un concours de photos prises par des drones de loisirs. Plus de 8000 clichés aériens ont été soumis, ce qui constitue un record en la matière. Les photos ont été publiées dans trois catégories, nature, urbaine et people déjà. Donc ci-dessous, sur l'article sur assemblagerequis.com, les vainqueurs de chacune de ces catégories, je vous invite à aller les voir. Ça fait vraiment de très beaux fonds d'écran, la deuxième particulièrement. Avec également une catégorie spéciale pour mettre en avant la créativité des utilisateurs de drones. Donc le palmarès du concours au complet est aussi sur le site. Ensuite, on reste dans les airs, mais plus haut encore. Le futur A380+ consommera moins grâce à ses grands winglets. Pour relancer l'attractivité commerciale de l'A380, c'est un avion dont le premier vol a eu lieu il y a seulement 12 ans. Airbus étudie une version optimisée baptisée A380+. L'objectif est une économie de carburant qui atteindrait environ 4% et une baisse du coût par passager de quelques 13% par rapport à l'actuel 380. Comment? Eh bien, c'est en modifiant la configuration de la cabine pour y installer jusqu'à 80 nouveaux sièges et en ajoutant d'imposants winglet en bout d'aile. Pour renforcer l'efficacité et la rentabilité, Airbus a présenté au Salon du Bourget une étude de développement portant sur une version optimisée, donc comme je le disais, A380+. Ça pourrait voler dès 2020. Donc, les winglets de grande dimension sont couplés à d'autres optimisations de la voiture et ils sont conçus pour améliorer l'aérodynamisme et réduire la traînée de l'avion. Donc, c'est des petites ailettes installées aux extrémités de chaque aile qui mesurent approximativement 4,7 mètres de haut. Elles sont formées d'un uplet, ça c'est la partie supérieure, de 3,5 mètres, d'un downlet de 1,2 mètres et d'une omelet pour le repas. C'est facile ça. Ouais. Quant à la réduction de 13%, elle doit renforcer l'attractivité commerciale de l'avion. Elle est obtenue notamment par un nouvel aménagement intérieur qui lui permettra d'embarquer jusqu'à 80 passagers de plus que la version classique de l'appareil, soit 575 sièges contre 497 en moyenne dans les A380 actuels. Donc encore une fois, qu'est-ce qu'il y a des détails sur le site assemblagerequis.com parce que les articles sont beaucoup trop longs et les détails sont plates. Hein? Allons à l'essentiel. Tu comprends la blague? Essence ciel. L'essentiel. C'est d'être humé. j'ai coupé ta blague. T'avais une autre blague à faire ou une référence? Non, c'est juste ça. Okay. En même temps, ça te permet de ralentir un peu. Ou le début un petit peu. C'est ça. Restons dans les airs avec des avions hypersoniques grâce à un nouveau revêtement en céramique. Pareil comme ton bain. Pareil. Tu vas prendre ton bain dans l'avion, ça serait incroyable. Donc, voyager dans un avion dont la vitesse dépasse Mach 5 appartient à l'imaginaire, mais ça pourrait potentiellement changer avec la découverte de ces chercheurs britanniques et chinois. En effet, le problème majeur qui se pose lorsque l'on aborde la question des avions hypersoniques, c'est la fragilité du métal. Les frottements dus à la vitesse le font tout simplement fondre, et les céramiques les plus solides n'ont pour le moment pas résolu l'équation. Les chercheurs sont parvenus à mettre au point donc une céramique carbonée 12 fois plus efficace que les céramiques testées jusqu'à présent. Ce nouveau type de revêtement pourrait redessiner le vol hypersonique et le faire monter d'un cran sur l'échelle du réalisable. Même si le projet est loin d'être mis sur pied, déjà parce que les avions qui peuvent voler 5 fois plus vite que le son, ça reste quand même rare, c'est une bonne nouvelle pour le progrès technologique et ça pourrait donc donner lieu à des transports bien plus rapides. Imaginez donc passer de l'autre côté de la planète en quelques heures seulement, ça pourrait s'en venir dans le futur. Et pour terminer, une nouvelle insolite dans les transports. Ooh. Donald Trump qui a fait débrider sa voiturette de golf. C'est un homme d'excès, Donald Trump, nous dit-on. C'est une breaking news ici sur LCN. Difficile de savoir donc s'il parviendra à rendre sa grandeur à rendre sa grandeur à l'Amérique, comme on dit « Make America Great Again », mais il aime montrer qu'il est le patron partout où il est, et le président des États-Unis aurait ainsi fait débrider sa voiturette de golf pour pouvoir dépasser les autres joueurs. C'est ce qu'on appelle du jailbreaking sur un téléphone cellulaire. C'est un peu la même chose, mais pour une carte de golf. Donc Donald Trump possède son propre terrain de golf. Il passe comme deux journées par semaine minimum là. Fait que ça, il travaille fort. Hein? Mais c'est pas parce que tu roules plus vite en carte de golf que tu deviens meilleur au golf. Effectivement, bon point. Mais j'imagine qu'il va tricher d'une façon ou d'une autre pour avoir un meilleur score. Donc le Trump National Golf Club de Westchester, c'est dont il est propriétaire. Selon le New York Post, le président américain aurait donc fait débrider sa voiturette de golf pour qu'elle aille plus vite sur le green que ses autres joueurs. Et ce comportement ne semble pas déranger le moins du monde pour deux raisons. Pour commencer, les membres adorent ça. Donald Trump a un grand respect pour eux, nous dit-on. Et s'il s'était opposé à ça, il ne l'aurait jamais fait. De plus, une des choses qu'il aime faire quand et s'il leur passe devant, c'est de saluer les membres qu'il double. Ils adorent vraiment la plaisanterie, comme ils aiment M. Trump. Est-ce que son carte est modifiée par des Russes? Je sais pas. Oh wow. Je sais pas. Mais bref, Donald Trump en carte rapide, deux portions de gâteau aussi. Je pense qu'il y a plus de verres de vin. Et puis il y a tout le temps le double des autres pour montrer qu'il est vraiment, vraiment hot. Il y a du pouvoir. On le salue. Parce qu'on n'a pas le choix, sinon on va se faire tirer dessus. Il faut voir une touffe. Une touffe? Tu dis une touffe? Oui. Wow. OK. Je sais pas si c'est son tapis fit avec les rideaux, comme on dit. Peut-être. Bref, voilà pour le blog Tout ce qui bouge. Dans quelques instants, la chronique de Frédéric Simon. Je m'en ai appelé Samuel Girard. Je vais trop vite. Hein. C'est ça. Mais avant ça, une pièce de chiptune. On s'en va entendre. Shinzundru Chip. Oui. Momofu. Ça s'appelle le deux semaines de Momofu. Voici la pièce Into the Chasm, tout de suite MPS, le Mathieu Plante Show. La prochaine demi-heure, je vais parler moins vite parce que je parlerai pas vraiment. Mais le reste de l'émission, il va falloir que je rentre mes 3 chroniques dans une heure. C'est fou! 89. De retour de Mathieu Plante, je m'appelle toujours Mathieu Plante, en compagnie de Frédéric Simon pour sa chronique d'un autre gamer à un autre. Salut Frédéric. Salut Mathieu. Officiellement. Hein? Maintenant, ce ne sera plus des petits commentaires puis des blagues, là. Hein? Ça va être sérieux. Passons aux choses sérieuses, c'est-à-dire voilà. Les jeux vidéo. Les jeux vidéo, on parle de gaming, tu vas nous présenter plein de top 5 et aujourd'hui, tu vas aussi nous parler un petit résumé de Summer Games Done Quick. Oui, en fait, je voulais simplement faire un petit bravo à Summer Games Done Quick. Qui s'est terminé tard dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Qui ont ramassé encore une somme considérable pour Médecins sans frontières, donc plus de 1 700 000 US. Wow! C'est la plus grosse campagne de financement pour Médecins sans frontières à chaque année. Donc on remercie la communauté du speedrun. Félicitations, oui. C'est fun ça. Et ça, c'est sans compter les bits qu'on peut envoyer sur Twitch parce que Summer Games Done Quick pouvait accepter les bits cette année. Oui, oui, j'imagine qu'il y a beaucoup de bits sur Twitch, hein? Mais c'est une nouvelle façon de tipper, ouais. Donc sur Twitch. Just the tip, comme on dit. Juste ouais. Le bout. On achète des espèces de cristaux, puis on envoie ça, puis ça 1000 bits équivaut à 100$, genre, à 10$ en fait. Une image aux 1000 bits. Et voilà. J'arrête. C'est donc, même pas drôle, maintenant. Ils ont ramassé plus de 200 000$ comme ça aussi, okay. Donc... c'était à ne pas négliger. Considérable. Considérable. Restons un peu dans le côté marathon speedrun, puisqu'il y a des événements qui s'en viennent au Québec. Je vais juste faire un petit rappel au passage. Le DreamHack qui s'en vient au mois de septembre à Montréal, à Place Bonaventure, c'est du 8 au 10 septembre. Il va y avoir un événement de speedrun avec la gang de No Reset, communauté dans laquelle je fais partie depuis l'année passée, disons. Au DreamHack, si ça vous tente d'aller voir de quoi ça a l'air, un petit marathon à l'échelle québécoise, allez faire un tour. Ouais. Et le 21 octobre jusqu'au 22 octobre, c'est l'Extra Life, un autre marathon, cette fois pour Opération Enfant Soleil de speedrun. Mais en fait, il va y avoir aussi plusieurs sortes de jeux et d'activités sur place. Ça va se passer aux Galeries Saint-Hyacinthe. Cool. Donc, du 21 au 22 octobre. On surveille ça. Passons maintenant à ces top 5. La viande du sujet. En fait, il y a un top 7, deux top 5 et un espèce de top 25 dans aucune lesquels... J'ai aucune constance. Je vais y aller avec un premier. Raison de préférer le rétro au néo gaming. Ah, j'aime ça, ben oui. Je vais y aller en position numéro 5. L'effet nostalgie. Ouais. C'est à ne pas négliger, donc on connaît tous Mario, on connaît tous les nouveaux jeux qui sortent et ils vont probablement tomber dans l'oubli aussi. Ouais, il y en a qui valent pas vraiment la peine, il y en a qui sont des cash grabs juste pour des franchises de films ou d'émissions pour enfants. Il y a beaucoup de, comment dire, de shovelware. Des petits trucs là, qui vont passer inaperçus qu'on se rappellera pas dans 6 mois. Beaucoup de jeux qu'on va faire une fois et il va rester sur la tablette pour le restant de ses jours. La plupart, je pense. Beaucoup, beaucoup de jeux. Sinon, position numéro 4. L'effet de collection. C'est le fun d'avoir les affaires physiques chez nous. Posséder l'objet, la pochette, le CD, la cassette, peu importe. C'est de plus en plus dispendieux d'entretenir sa collection de jeux rétro. 70, 80, c'est rendu où, là? Ah, ça finit plus. Pas mal ça. mais, c'est le fun d'avoir ça, autant pour les CD aussi, dans mon cas. C'est un peu trop... C'est trop récent, les CD, je trouve. C'est trop récent? Ouais. Non, PlayStation 1, je trouve ça trop récent. C'est plus récent. Ah, mais je voulais dire en musique, par exemple. Ah, OK, excuse-moi. Mais en CD aussi, PlayStation, c'est quand même récent. J'en ai moins aussi. Récent pour les plus vieux, mettons. Enfin bref, l'effet de collection, donc en position numéro 4. En numéro 3, ben, ça fait beau dans un salon. Hey! La décoration, hein? La décoration. Ben oui, pourquoi pas? Parce que tu peux en avoir plus qu'une vieille console et ça rentre pas tout des fois dans ta table de chevet ou sur ton meuble de télé.

pièce qui ouvre la collection Emulator par Zoc. On a entendu en dernière place Moon Patrol dans le style de Jimi Hendrix. Avant ça, c'était Dig Dug dans le style de Melt Banana. Et on a débuté avec Castlevania dans le style de Primus. Donc, Zoc qui fait dans Emulator une compilation de pièces qui refait la méthode de d'autres artistes. Emulator qui, à l'origine, s'appelait VGMITSO pour Video Game Music in the Style of de Vigimitsu. Donc, des pièces qui sont sur une édition limitée que vous pouvez retrouver sur assemblagerequis.com via Bandcamp. Maintenant, c'est Television. Television, la chronique dans laquelle on parle de nouvelles télévisuelles depuis les 7 derniers jours. Et on commence au Québec, comme toujours. Il y a juste une nouvelle cette semaine. Et c'est encore une autre nouvelle sur les recettes pompettes qui s'exportent, cette fois-ci en Suède. 2 ans après l'acquisition des recettes pompettes par la France, Salva & Co et Media Ranch annoncent la vente de l'émission en Suède. Donc l'émission Tipsy Recipes a été achetée par Nice Entertainment Group, comptant 30 compagnies dans 17 pays à travers le monde. Le producteur Eric Salvay se réjouit de voir que le concept d'ici rayonne à l'étranger et que certaines compagnies décident d'en faire leur propre adaptation. Ensuite, on va au Canada anglais où l'émission Baroness Von Sketch Show va débuter aux États-Unis. C'est une émission canadienne à sketch. Donc ça va être Baroness Von Sketch Show, c'est le nom de l'émission. C'est un quatuor féminin irrévérencieux qui s'en vient aux États-Unis. Les membres de la distribution sont Aurora Brown, Meredith McNeil, Karen Taylor et Jennifer Whalen, qui sont donc à bord de retour pour la deuxième saison, qui va être de retour, qui est de retour dans les derniers jours là, sur CBC au Canada. Et la série va débuter sur la chaîne IFC. Ça c'est l'Independent Film Channel qui montre plus vraiment de films indépendants à partir du mois d'août. Voilà, dans leur style. Signature canadien. Spécial quand même. Ensuite, toujours au Canada, les licences des grands groupes de télévision sont renouvelées pour 5 ans. Le CRTC a diffusé un appel de demande pour un nouveau service de télévision offrant une programmation nationale multilingue et multiethnique. Donc, les licences des grands groupes télé de la langue française, oui, soit Groupe TVA, Groupe V, Bell et Corus, et des grands groupes télé de langue anglaise, soit Bell, Rogers et Corus, ont été renouvelés pour une nouvelle période de 5 ans, débutant le 1er septembre 2017 par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes aux amis du CRTC. Dans le cas de Rogers, le CRTC a renouvelé les licences accordée aux stations de télévision locale Omni pour une période intérimaire de 3 ans, correspondant à la décision prise d'accorder la distribution obligatoire à Omni Regional, qui est un service multilingue et multiethnique, au sein des forfaits de base jusqu'en 2020. La programmation d'Omni régionale sera divisée en 4 signaux représentant la programmation pour laquelle Omni a des stations locales, soit la Colombie-Britannique, l'Alberta et l'Ontario. Le 4e signal distribué dans la province de Québec sera fourni par ICI Québec, à ne pas mélanger avec ICI Radio-Canada. Le CRTC craint toutefois que ce service proposé par Rogers Media ne réponde pas entièrement aux besoins des Canadiens. C'est pourquoi le CRTC a diffusé un appel de demande pour un nouveau service de télévision offrant une programmation nationale multilingue et multiethnique comprenant des émissions de nouvelles et d'informations. Si la licence est accordée, ce service bénéficierait d'une distribution obligatoire aux services numériques de base à compter de 2020. Les demandes sont acceptées jusqu'au 18 août. De plus, en accord avec les conclusions de Parlons Télé, leur grande conférence du grand public, le CRTC maintient son appui à la création de contenu canadien tout en donnant de la souplesse au groupe afin qu'il puisse s'adapter aux nouvelles réalités numériques et concurrencer avec les services en ligne. En effet, le CRTC assure un financement stable de la production canadienne dans toutes les catégories d'émissions en mettant un accent particulier sur les dramatiques, les documentaires et les émissions de musique et de variété. Ainsi, les diffuseurs ont les outils pour demeurer concurrentiels dans un environnement sur demande et le consommateur a accès à un large éventail d'émissions, disent-ils. Le CRTC agit quant à la sous-représentation de certains groupes en mettant en place des crédits qui inciteront la création de programmation provenant de producteurs autochtones et de producteurs issus de communautés de langue officielle en situation minoritaire. Par ailleurs, dans le cadre de ces renouvellements, le CRTC met en œuvre la politique sur la télé locale pour veiller à ce que les Canadiens aient accès aux nouvelles et à de la programmation locale qui les reflète et les informe de leur communauté. Désormais, dans l'éventualité de la fermeture d'une station locale, les titulaires devront avertir le CRTC 120 jours avant de mettre fin aux opérations, ce qui permettra aux Canadiens de s'exprimer le cas échéant. Ensuite, on va aux États-Unis où Paramount Network développe une comédie basée sur la vie de l'humoriste Tom Arnold. Paramount Network, qui est le nouveau nom pour la chaîne Spike à partir de 2018, donc développe une comédie à caméra unique basée sur la vie de l'humoriste Tom Arnold selon Variety. La série s'appelle présentement The Interventionist. Il suivrait donc un accro, un dépendant aux drogues, qui est en train de se remettre, de s'en remettre. Donc un interventionniste pour les gens qui abusent de certaines substances illégales à LA. Voilà. Donc ce serait, oui, c'est ça. Ce serait une personne donc qui s'occupe de ces personnes-là qui ont une dépendance. Arnold a souvent parlé de ses combats contre la drogue et l'alcool à travers sa carrière. Steven Pink va écrire le pilote potentiel en plus d'être producteur exécutif. Arnold va aussi être producteur exécutif avec Capitol Entertainment et Aaron Kaplan et Dana Hunter, ainsi que Alex Hardcastle et Glenn Porter. Hardcastle va aussi être le réalisateur qui à l'origine devait être sur TV Land. L'émission serait donc la deuxième émission potentielle sur Paramount Network. La première est le drame Yellowstone de l'écrivain de Hell or High Water, Taylor Sheridan. Cette série-là qui raconte l'histoire de la famille fictive Dutton, qui est propriétaire du plus grand ranch des États-Unis. Voilà. Spike TV qui, comme je le disais, va changer de nom pour Paramount Network à partir de janvier 2018. On a confirmé en mars que les émissions Heathers et American Woman, qui étaient en développement chez TV Land, vont faire migration jusqu'à Paramount Network. On change quelques trucs de place, entre autres de MTV à Spike à Paramount Network pour l'émission The Shannara Chronicles. Gros remaniement de chaîne câblée aux États-Unis, très bien. Ensuite, j'en parlais en ouverture d'émission, la chaîne Science Channel va diffuser l'éclipse solaire totale en direct à la télé. C'est la première fois en 99 ans qu'une éclipse solaire totale a lieu. Et Science Channel va être là pour couvrir ça en direct le 21 juin. Ça va être partout aux États-Unis continentales, de l'Oregon à la Caroline du Sud. Science Channel va donc avoir une émission spéciale d'une heure, The Great American Eclipse, avec des vidéos donc le jour même de l'éclipse, le 21, à partir de 21h, heure de l'Est. Donc l'éclipse totale commence en Oregon, donc à 13h20 heure de l'Est, et se termine à 14h50 heure de l'Est sur la côte de la Caroline du Nord. Le meilleur moment de l'éclipse sera environ 2 minutes de noirceur totale, ce qu'on appelle la totalité. Science Channel va être à Madras, en Oregon, en partenariat avec l'observatoire Lowell, et sur le Lowell Solar Eclipse Experience, alors que les astronomes et les éducateurs vont faire la narration de l'éclipse en même temps qu'elle aura lieu. On a dit que c'était pas en temps réel. Tantôt, dans le début d'article, on disait que ça allait être une émission d'une heure avec des vidéos prises la journée même. Donc pas en temps réel. Science Channel a lancé un site, micro-site web sur son site web, donc sciencechannel.com, pour compléter ça avec un petit blog, galerie photo, des trucs pour expliquer ce qui va se passer. The Great American Eclipse va être produit par Pioneer Productions, qui fait partie du groupe Tinopolis. Ensuite, YouTube et Dan Herman commence à penser au futur, un petit peu même, je dirais presque au présent, sur YouTube Red, avec une comédie qui parle de sport électronique, les e-sports qu'on voit entre autres à la télé de ces temps-ci, une grosse mode. Good Game, donc, est le plus récent exemple de cette mode-là. Good Game qui va suivre une équipe nouvellement formée de joueurs de e-sports qui va essayer de se rendre jusqu'au sommet dans ce monde compétitif, selon un communiqué de presse. La série est développée par l'animatrice et personnalité YouTube Michelle Morrow et Jesse Cox, une autre personnalité YouTube connue pour ses commentaires de jeux vidéo. Dan Harmon, qu'on connaît pour la série Community, va être là pour surveiller cette série en 6 épisodes en tant que producteur exécutif. YouTube a sorti un petit clip que vous pouvez aller voir via YouTube Red, allez voir sur assemblagerequis.com pour le lien. Good Game qui apparemment partage quelques idées avec Video Game High School, développé par Rocket Jump, et la série Loaded qui s'en vient sur AMC, qui parle d'un groupe de développeurs de jeux vidéo qui essaient de gérer leur propre succès. Donc voilà pour Good Game sur YouTube Red. Restons sur les trucs de YouTube un petit peu qui s'en vont à la télé. On parle de la YouTuber Hannah Hart, qui parle de sa nouvelle série sur Food Network qui s'en vient. Ça s'appelle I Heart Food. Nouvelle série en 6 épisodes qui a été confirmée à l'été 2016. Hart et le réseau ont révélé quelques détails. La vedette de YouTube va être animatrice et productrice exécutive sur le projet. Elle dit donc chaque épisode va suivre, oui, Hart, alors qu'elle va voyager à Santa Fe pour tester des saveurs du Nouveau-Mexique. Ensuite, il va y avoir d'autres épisodes où elle va aller en Caroline du Nord, dans le Maine, dans l'Oregon, dans le Minnesota et le Montana. Hart qui a 2,5 millions d'inscriptions et 2,3 millions d'autres sur Twitter, donc 2,5 sur YouTube, 2,3 sur Twitter et Instagram. Voilà. Donc les 6 épisodes de High Heart Food vont être sur Food Network cet été, la première et le 14 août à 22h. On parlait de ça la semaine passée un petit peu, mais quelques détails de plus sur Warner Brothers qui développe une sitcom avec de vrais humains pour les Jetsons qui pourrait revenir sur la télé. Donc selon TV Line, Warner Brothers travaille sur cette sitcom avec multicaméra, donc dans le style de Will and Grace. D'ailleurs, ça va être avec Gary Ginetti qui a travaillé sur Family Guy et Will and Grace qui va être là comme showrunner. Robert Zemeckis va être le coproducteur exécutif. Warner Brothers a aussi un film des Jetsons qui s'en vient avec Conrad Vernon qu'on connaît pour Party de saucisses qui est attaché à la réalisation potentielle. Et pour l'émission avec les humains, TV Line dit que Warner Brothers va magasiner son projet à différents réseaux dans les semaines à venir. J'ai donc bien beaucoup de nouvelles en anglais cette semaine. Continuons avec les quatre grands réseaux en septembre qui vont faire un grand spécial sur les quatre réseaux focusant sur le futur des écoles secondaires. Donc c'est l'Entertainment Industry Foundation qui est partenaire maintenant avec les quatre grands réseaux, donc ABC, NBC, CBS et Fox, pour présenter un spécial d'une heure qu'on appelle Roadblock. C'est-à-dire que ça va être diffusé sur les quatre réseaux en même temps. Tu pourras pas vraiment l'éviter à moins que tu écoutes le câble. Ça va parler d'éducation dans les écoles secondaires. Ça va être diffusé le 8 septembre à 20h. Ça s'appelle EIF Presents XQ Super School Live. Tu vois qu'il fallait qu'il donne un petit nom catchy. On dit que ça parle du passé, du présent et du futur des écoles secondaires américaines. L'émission spéciale va présenter des performances musicales, de la comédie et des segments documentaires. XQ va être produit donc par Done and Dusted et réalisé par Hamish Hamilton. C'est ça, il n'y a pas vraiment d'autres détails par rapport aux gens qui vont jouer dans cette émission-là. Le but est quand même de faire parler de la réforme, des efforts de réforme, oui, poussés par la réforme éducationnelle, le projet XQ Super School Project Educational Reform Effort, comme on l'appelle en anglais. C'est ça, ça s'en vient le 8 septembre à 20h. Ensuite, Stephen Colbert va essayer un petit quelque chose de nouveau pour son Late Show pour l'édition estivale du vendredi. Une nouvelle façon de faire. Les producteurs du Late Show sur CBS vont essayer une nouvelle façon de diffuser l'émission du vendredi en ayant une nouvelle ouverture et un nouveau monologue. Et ensuite, on va utiliser le reste de l'heure pour montrer les meilleurs moments de plus tôt dans la semaine. C'est quand même cool. Porte-parole pour l'émission a dit que cette manœuvre était une expérience et suggérait que l'émission pourrait retourner à une émission complètement nouvelle les vendredis ou encore à une reprise complètement les vendredis, dépendant de ce qui se passe dans les nouvelles. Donc le Late Show qui typiquement enregistre deux épisodes le jeudi après-midi, donnant à Colbert et son équipe un petit peu plus de place pour aller en vacances, c'est quoi le vendredi? Et on dit aussi, selon la porte-parole Lauren Cam, que c'est le même public le jeudi et le vendredi. Des fois, l'animateur va faire une petite référence au fait que le public est le même. Donc voilà, c'est dans les derniers mois en fait que Colbert et son équipe avaient mis à jour des reprises avec de nouveaux segments, du nouveau matériel dans la reprise. Et là, ben, on change de concept en ayant une nouvelle ouverture, un nouveau monologue et ensuite des reprises d'entrevues du passé. Donc il y a eu plusieurs formats qu'ils ont essayé. D'ailleurs, au mois d'octobre dernier, Colbert avait enregistré un segment de 6 minutes de chez lui qui avait été ajouté à une vieille reprise mettant en vedette Amy Schumer et Michaela Watkins. On va essayer ce concept-là pour l'été. Voilà. D'ailleurs, le Tonight Show avec Jimmy Fallon qui commence à prendre la première place certaines journées, alors que le Late Show de Stephen Colbert était en première place avant. Fallon a gagné dans les 18-49 ans, qui est la démographique la plus recherchée par les annonceurs, alors que le Late Show, depuis quelques mois, était toujours en première place dans le public en général. Ensuite, un reboot de Tremors, mettons en vedette Kevin Bacon, qui vient de la part de Blumhouse sur Sci-Fi. Donc, ça fait longtemps qu'on parle de reboot pour Tremors, avec la vedette d'origine Kevin Bacon. Sci-Fi a donné une commande pour un pilote du projet de la part de Universal Cable Productions et Blumhouse Television. Bacon reprend son rôle de ce film classique de 1990. Dans le nouveau Tremors, écrit par Andrew Miller, qu'on connaît pour Secret Circle, le tueur Graboid, un ver, Killer Graboid Worms, qui a presque détruit la ville de Perfection dans le Nevada il y a 25 ans. Ils sont de retour et la ville espère survivre avec leur seul espoir Valentine Mickey, joué par Bacon, qui les a déjà battus par le passé. Mais pour le faire de nouveau, il va devoir passer par-dessus le fait qu'il est rendu vieux, qu'il est rendu accro à l'alcool et qu'il a un complexe de héros. Voilà. Donc Miller va être showrunner, il va être aussi producteur exécutif en même temps que Kevin Bacon et David Schiff, qu'on connaît pour Southpaw, et Jessica Rhodes. Bacon avait signalé son intérêt pour revisiter Tremors dans une entrevue en 2015, voilà, ce qui est annoncé au moins comme étant un pilote potentiel. Le film de 1990 de Universal Pictures a été réalisé par Ron Underwood, mais mettait aussi en vedette Fred Ward, Finn Carter, Michael Gross et Reba McEntire. Ils ont ramassé un très modeste 16,6 millions au niveau domestique, mais ils ont quand même eu un petit suivi culte, un peu à la Fargo. Ils ont eu précédemment un autre spin-off dérivé à la télé qui s'appelait Tremors The Series, qui était diffusé pour une seule saison en 2003 sur Sci-Fi. Donc on ramène un concept qui n'a pas marché. C'est un peu spécial. Ensuite, toujours aux États-Unis, il y a vraiment beaucoup de nouvelles américaines cette semaine. MTV qui va débuter un nouveau game show, un nouveau jeu télévisé, Safe Word, des producteurs de Lip Sync Battle. Donc, on va lancer ce jeu télévisé humoristique. Des producteurs de Lip Sync Battle animé par Terrence J. La série va mettre en vedette des vedettes comme Kevin Hart, Damien Dante Wayans, Chris Ludacris Bridges, Marlon Wayans, Kelly Rowland, Nelly, Lala Anthony et Amber Rose, ainsi que les collègues de 13 Reasons Why, Ross Butler et Justin Prentice, Charlamagne the God, Drake Bell, Lil Ray Howery, Jermaine Fowler et plusieurs autres. Je connais au moins le quart de ces gens-là. La série est basée sur un format du Royaume-Uni qui était diffusé sur ITV2 et qui à l'origine a été développée et produite par STV Productions et Motion Content Group. Dans chaque épisode, les vedettes sont partenaires avec des humoristes. Là, je vous saute la liste. Ils jouent contre eux dans une série de jeux devant un public. Parmi plusieurs rôles, les équipes vont jouer en tête-à-tête en lançant des défis, incluant des jeux de médias sociaux. Et puis, à la façon de roast, là, d'un bien cuit, les vedettes se font insulter, je pense que c'est ça, ouais, mais peuvent arrêter la douleur en utilisant leur safe word, un peu comme dans les relations sexuelles. Safe word qui va débuter le 13 juillet à 23h30 sur MTV, qui se lance dans plein de nouveaux formats depuis quelques temps. Comme on l'a dit tantôt, c'est dans la même famille que TV Land et Paramount Network. C'est eux qui ont ramené MTV, ils ont ramené Facteur de risque récemment, ils ont ramené My Super Sweet 16 et Promposal entre autres. Ils ont dit qu'ils allaient avoir beaucoup moins d'émissions scriptées, qu'ils allaient envoyer les émissions scriptées sur justement la chaîne Spike qui va devenir plus tard Paramount Network. C'est compliqué, hein? Par contre, il y a la dramatique Scream saison 3 qui va rester sur MTV mais avec une nouvelle distribution et un nouveau scénario. Donc on est mêlés chez Viacom, je pense, ces temps-ci. On essaye bien des affaires. Ensuite, Disney, parlant de reboot, parlant de ramener des trucs, Disney ramène Mickey Mouse Club. Vous vous rappelez de Mickey Mouse Club pour sa création de plusieurs vedettes par le passé. Entre autres, c'était qui? C'était est-ce que c'est Justin Timberlake qui jouait dedans? Oui, c'est ça, exactement. Donc, à sa présentation, plutôt cette année, le récemment formé Disney Digital Network, une entité qui combine les aventures de Disney en ligne, a annoncé qu'il ramenait de Mickey Mouse Club pour l'ère numérique. Donc, à VidCon récemment, Andrew Sugarman de chez Disney nous a montré un petit peu son revampement, si je peux m'exprimer ainsi, de cette émission qui a débuté, en fait, en 1955, saviez-vous ça, et qui a été diffusée pour la dernière fois dans les années 90. Ça a lancé la carrière de Britney Spears, Justin Timberlake, comme j'ai dit tantôt, Christina Aguilera et Ryan Gosling. La plus récente itération de l'émission va s'appeler Club Mickey Mouse et ça va être quelques vidéos très courtes, pas plus que 3 minutes chaque. Ça va être distribué exclusivement sur Facebook et Instagram. La distribution est presque déjà signée. On a ajouté que Disney va amener donc son acumen, ses connaissances pour trouver des gens d'influence. On va essayer de créer encore des vedettes, c'est ce que ça veut dire. On dit qu'on cherche pas des Mouseketeers comme dans le temps, mais plutôt des gens avec une présence sociale et des talents en chant, en danse et en acting, en talent d'acteur. Choisir de nouveaux influenceurs pour le nouveau club Mickey Mouse va permettre à Disney de faire de la synergie avec son réseau de créateurs Maker Studios, qui est sur YouTube, entre autres. Et plus tard cet été, comme on l'a déjà dit, je crois qu'en fait qu'on l'a pas déjà dit, sur Disney Exist cet été, on va avoir un blog de programmation sur les jeux vidéo. Donc, pour vrai, c'est vraiment cool. Allez voir ça, le nouveau bloc Disney XD. Je me rappelle pas du nom, je vais aller voir. C'était quoi déjà? DXP, voilà, DXP. Il va y avoir plein d'émissions, dont avec IGN et The Attack, qui est vraiment très très cool. Allez voir ça, Disney XD, DXP. Des lettres, hein? Ensuite, Fox qui essaie d'affronter American Idol. Vous savez qu'American Idol va redémarrer sur ABC en 2018. Est-ce que c'est à l'automne 2017 ou à l'hiver 2018? Il me semble que c'est l'hiver 2018. Donc, on essaie chez Fox, étant donné qu'ils ont perdu leur format, de faire une nouvelle compétition de chant. Qui va s'appeler... Ben, en fait, qui s'appellera pas nécessairement comme ça, mais qui va être inspiré d'un format israélien qui s'appelle The Final Four. Donc, cette franchise sous licence de Armoza Formats qui élimine tout le processus des auditions de American Idol. À la place, on va focusser sur 4 finalistes dans le premier épisode. The Final Four, déjà, choisi par les 3 juges de l'émission. Chaque semaine, les nouveaux compétiteurs vont être présentés à la télé. Ils vont essayer de détrôner un des finalistes. De nouveaux compétiteurs vont être amenés pour essayer de battre les 4 finalistes. Le tagline, le résumé de l'émission, c'est « We start with the best and only get better ». On commence avec le meilleur et on ne fait que s'améliorer. Donc, c'est une nouvelle façon de faire une compétition de chant. On va voir si ça va fonctionner. Et là, on dit dans l'article qu'on veut pas qu'il y ait créé de confusion entre le Final Four du basketball à NCAA. Donc, on suggère que le titre de l'émission va probablement être changé. Ce sera pas « The Final Four ». Peu importe, hein, on verra. Pendant ce temps-là, NBC, lui aussi, compétitionne avec American Idol, avec The Voice et certains noms connus d'American Idol, des anciens participants qui sont maintenant rendus coach, donc Jennifer Hudson et Kelly Clarkson. Voilà. Ensuite, toujours plein de nouvelles américaines. On parle de Game of Thrones, une série animée potentielle préquelle centrée sur le fléau de Valyria. La série télévisée Game of Thrones sera terminée dans 2 saisons, mais HBO n'a aucune intention de tuer la poule aux œufs d'or. Plusieurs dérivés sont déjà en préparation, on a déjà parlé de ça ici, dont certains avec la participation de George R.R. Martin. Difficile de savoir de quoi il en retourne, ni lesquels verront le jour, mais cet épisode concept, animé, réalisé par un fan, est très prometteur. Patrick McCarthy a récemment publié cet épisode de 20 minutes, un animé autour de l'un des plus grands mystères du trône de fer, le fléau de Valyria. Étant donné que l'histoire s'inspire grandement de la chute de Rome, le fléau de Valyria puise dans un schéma qu'on connaît bien entre les Grecs et les Romains. L'épisode est centré sur Gaemon et Daenys, un frère et une sœur de Targaryen sur le point d'être mariés. Dans cette version de l'histoire, c'est le premier mariage incestueux de l'ancien empire des possessions valyriennes, source de conflits et de controverses. Il y a aussi certaines rumeurs évoquant des esclaves valyriens travaillant dans les mines qui deviendraient agressifs et la révolte gronde. Patrick McCarthy, déjà connu pour sa série YouTube Stewie Potter, précise qu'il lui a fallu 2 ans pour créer cette vidéo. Il espère que ça pourrait inspirer HBO pour une prochaine série. Voilà. Allez voir sur assemblagerequis.com pour la capsule. Ensuite, Netflix commande une émission. On va sur Netflix, hein, j'avais tout dit. On va chez Netflix qui commande une série basée sur les années 90, une dramédie qui s'appelle Everything Sucks. Donc Netflix continue sa nostalgie pour les années 90 avec une commande en 10 épisodes de Everything Sucks, une dramédie, ça veut dire une comédie dramatique, hein, d'une demi-heure des écrivains Ben York Jones, qu'on connaît pour Like Crazy, et Michael Mohan de Save the Date, et les producteurs Midnight Radio. Ça va débuter en 2018. Créée par Jones et Mohan, cette série, qui est une production Netflix, est décrit comme une histoire, une aventure de, comment dire, coming of age, là, atteindre la maturité, qui suit un groupe de gens dans une école secondaire, un club d'audio-vidéo et un club d'art dramatique qui font collision en Oregon en 1996. Peyton Kennedy de American Fable et J.H. Winston de The New Edition Story sont les vedettes dans les rôles de Kate Mester et Luke O'Neill et plein d'autres gens comme ça. Je saute par-dessus quelques bouts ici. Donc ça se passe dans les années 90. Jones et Mohan sont producteurs exécutifs. Mohan va aussi être réalisateur de la plupart des épisodes avec Ry Russo Young pour certains autres épisodes. Et puis évidemment, Netflix a toujours Fuller House et un paquet d'autres reboots des années 90. Vous pouvez regarder Friends sur Netflix, c'est tellement rempli de bonnes... Justement, parlant de Netflix, vous pouvez maintenant regarder Netflix dans votre lit, dans un hôtel pop-up au Royaume-Uni. Un hôtel créé par Netflix qu'on appelle le Bed & Binge Retreat. Hein? C'est le contraire d'une détox numérique, si on veut. Donc, le Bed & Binge Retreat est une première pour Netflix. C'est 15 genres de suites, si on veut, des espaces communautaires dans un parc National Trust Park Property dans l'ouest de Londres. Ça se passait jusqu'au 9 juillet dernier. Et le dernier invité est parti le lundi 10 juillet, donc ça vient juste de se terminer. 15 petits hôtels qu'on dit escamotables, collapsible, produits par Flex Hotels. Chacun a une thématique dédiée à une émission populaire de Netflix, avec toilettes, douches, etc., etc. Et il y a aussi le décor inspiré de l'émission, les costumes et les accessoires pour les invités, dont, entre autres, Orange is the New Black, avec des menottes et des jumpsuits orange. Glow, avec plein de costumes de lutte des années 80 ainsi que des posters. T'as The Crown, t'as Luke Cage, Stranger Things avec un mur rempli de lumière de Noël, Pretty Little Liars avec des messages au rouge à lèvres sur le miroir, Unbreakable Kimmy Schmidt avec des messages motivateurs et des animaux en plus, House of Cards, Narcos, Game of Girls, Better Call Saul et beaucoup plus d'émissions qui sont bien sûr sur Netflix UK. Elles sont pas nécessairement toutes disponibles ici au Canada. C'est commandé par le nouveau Samsung 8, donc le reste des détails m'importe peu, mais il y avait des collations, des breuvages, etc. Voilà. Et pour terminer, toujours sur Netflix, après Castlevania, c'est au tour de Assassin's Creed d'être adapté en série animée. Le principal producteur en charge de la série animée Castlevania va désormais plancher sur une série animée dédiée à la franchise Assassin's Creed à la demande de Ubisoft. Adi Shankar, producteur réputé qui a notamment travaillé sur les films Dread, Lone Survivor, The Voices ou plus récemment sur la série animée Castlevania de Netflix, et qui sera d'ailleurs disponible à partir du 7 juillet, donc c'est déjà fait. A priori, son travail a tapé dans l'œil de Ubisoft puisque le studio français lui a demandé de prendre les rênes d'une adaptation animée de son univers vidéoludique. Pour l'instant, Ubisoft n'a pas communiqué sur cette information. On ne sait rien d'autre concernant le projet. Assassin's Creed a eu des déclinaisons sous de très nombreuses formes, allant du roman au cinéma, en passant par les bandes dessinées, le court-métrage. Il ne manque presque qu'une série animée pour boucler la boucle de ce très riche univers transmédia qui fera son retour sur PC et console en fin d'année avec Assassin's Creed Origins. Oui. Voilà. Ça, c'est un article de plugin, le site de 01net, qui écrit vraiment mieux que les autres sources que j'ai. Hein. Plugin.01net.com, je suis impressionné parce que 01net.com, en tant que tel, je tripe pas bien, mais plugin, je trouve ça fantastique. Allez les voir. Voilà, c'est tout pour la qualité Origin Television. Maintenant, ben, c'est rendu une tradition à chaque émission où Frédéric Simon est présent. Malheureusement, là, il est parti, il pourra pas l'entendre, mais on va écouter une pièce de Super Mario Odyssey. Il y a quelques semaines, on avait écouté la version de la bande-annonce. Après ça, il y a deux semaines, on avait écouté la version complète de la chanson. Maintenant, on écoute une version en acoustique. C'est la pièce Jump Up Superstar. Je l'ai appelée quelquefois One Up Girl. C'est le titre que les fans lui donnent dans la vie tous les jours. Mais le titre officiel est Jump Up Superstar. Donc voici une version acoustique. Tout de suite, c'est par qui ça? C'est par qui? C'est par The Team Players. Voilà. Donc Super Mario Odyssey, Jump Up Superstar, version acoustique. MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou. pense que je me tannerai jamais de cette mélodie-là. C'était Jump Up Superstar, style Super Mario 3, fait en version 8-bit par Cosmic Gem. Je trouve ça malade. C'est écrit sur Family Tracker. Allez voir sa chaîne YouTube Cosmic Gem. J'ai adoré ça. Et avant ça, avant la pause, on a entendu bien sûr la version acoustique par The Team Players. Voilà. Excellente chanson de la trame sonore de Super Mario Odyssey. Maintenant, c'est Merci Science. Merci Science, la collègue qui remercie la science d'exister. On a quelques petites nouvelles intéressantes aujourd'hui. Les petits garçons, pour commencer, préfèrent les poupées au camion, nous dit la science. À 5 mois, les petits garçons, comme les filles du même âge, manifestent davantage d'intérêt pour les poupées que pour les voitures. De quoi remettre en cause peut-être les cadeaux de Noël. Les camions, c'est pour les garçons, les poupées pour les filles. Ces affirmations légèrement sexistes pourraient tomber à l'eau, au moins pour les premiers mois de la vie des bébés, nous dit Futura Science. En effet, une étude menée par Paola Escudero de l'Université occidentale de Sydney a remis en cause ces schémas traditionnels. Notre société est-elle vraiment équitable? A priori, non. Les origines ethniques ou sociales peuvent favoriser ou au contraire désavantager dans certains contextes un genre ou l'autre. Globalement, les schémas familiaux et professionnels restent le plus souvent de l'ordre du traditionnel. Les femmes réalisent toujours l'essentiel des tâches ménagères, alors que cela pourrait rendre les hommes heureux, comme on l'a dit dans une précédente nouvelle, et n'occupent globalement pas les mêmes fonctions que leurs homologues masculins. La distinction commence même dès le plus jeune âge. Les petites filles reçoivent en cadeau des poupées et des costumes de princesse, alors que les garçons se voient offrir des camions et des Legos. Se pose alors aux scientifiques la question de savoir ce qui relève du naturel et ce qui tient du culturel. Les études précédentes tendent à montrer qu'effectivement, dès 6 mois, les garçons préfèrent les jouets à roulettes alors que les filles demandent davantage à prendre soin d'un poupon. Une propension qui relèverait du moins partiellement de l'inné, si l'on en croit les résultats d'une recherche de 2008 menée par chez les macaques, oui. Pas par les macaques, ils sont pas encore rendus là. Les mâles testés préféraient intrinsèquement les voitures, tandis que les femelles avaient des goûts bien plus variables. Cependant, un article publié en 2013 dans le Journal of Experimental Child Psychology a jeté un peu le trouble. Il sous-entend que ces préférences ne seraient pas forcément observées dès la naissance. Donc, Paola Escudero et ses collègues ont recruté 24 garçons entre 4 et 5 mois et autant de filles du même âge. Ils ont également fait participer 48 adultes, dont des adultes des deux sexes, oui, à l'expérience. Le principe est simple et fréquemment utilisé dans les recherches menées sur les bébés. On suit leur regard en considérant que ce qui est épié le plus longtemps est préféré par les nouveau-nés. Ainsi, des photos de visages d'hommes, de femmes, de jouets, de poupées, de voitures et de fours ont été présentées à tous les participants. Qu'en est-il ressorti? Tous les groupes manifestaient plus d'attention pour les visages réels, surtout pour ceux du sexe opposé, même chez les enfants, les tout-petits. Quant aux objets, les poupées fascinaient davantage les bébés que les voitures, y compris chez les garçons. Pas de différence liée au genre dans la petite enfance, donc. Restera aux chercheurs à déterminer les raisons qui poussent les deux sexes à préférer spontanément un type de jouet plutôt qu'un autre. Trois pistes sont avancées. Un changement physiologique, les différences dans le développement cognitif et la pression sociale. Quoi qu'il en soit, il ne faut en aucun cas faire des généralités. Les garçons aussi ont le droit de vouloir une poupée ou les filles un camion de pompier. Ça ne révèle aucun dysfonctionnement particulier, simplement un désir d'enfant facile à combler, nous dit Futura Science. Ensuite, les perturbateurs endocriniens, oui, impliqués dans le diabète et l'obésité. Le 4 juillet dernier, l'Union européenne a adopté une définition des perturbateurs endocriniens, des substances omniprésentes dans notre environnement et qui miment ou bloquent des hormones naturelles, entravant leur fonctionnement. Cette définition a été jugée trop laxiste par beaucoup d'associations et de scientifiques. Les risques potentiels connus sont nombreux, comme en témoigne une étude de 2015 affirmant qu'ils sont aussi liés au risque de diabète et d'obésité. Les perturbateurs endocriniens interfèrent avec l'action des hormones naturelles. En altérant le développement et la croissance cellulaire, ils entraînent différents problèmes de santé. Parmi eux figurent, par exemple, le bisphénol A, présent dans les revêtements de bois de conserve, les phtalates des plastiques et des cosmétiques, ainsi que les pesticides. En 2008, l'Endocrine Society, une organisation dédiée à la recherche dans le domaine de l'endocrinologie, avait passé en revue les effets de ces molécules sur la santé humaine, ce qui a donné lieu à une première déclaration en 2009. En 2015, les experts se sont penchés sur les nouvelles preuves de l'action de ces molécules sur les systèmes endocriniens. De nouvelles recherches ont ainsi trouvé que cette exposition était associée à une augmentation du risque de développer un diabète et de l'obésité. Les perturbateurs endocriniens sont aussi liés à l'infertilité, au cancer associé aux hormones et à certains désordres neurologiques. Des experts internationaux sont actuellement réunis à l'International Conference on Chemicals Management de Genève pour aborder ces questions. Pour Andrea Gore, président du groupe de travail qui a élaboré la déclaration parue dans Endocrine Reviews, je cite... Les preuves sont plus définitives que jamais. Les perturbateurs endocriniens représentent un risque pour la santé humaine. Des centaines d'études aboutissent à la même conclusion, qu'elles soient des études épidémiologiques à long terme chez l'homme, de la recherche fondamentale chez les animaux et les cellules, ou bien de la recherche dans des groupes spécifiques de personnes avec une exposition professionnelle connue à des produits chimiques. Les études publiées ces 5 dernières années ont apporté une meilleure compréhension des mécanismes d'action au niveau cellulaire et moléculaire. Des études chez l'animal ont trouvé que certains perturbateurs endocriniens ciblent des cellules du pancréas, des cellules de graisse et du foie, ce qui peut conduire à une résistance à l'insuline. Or, les quantités d'insuline trop importantes dans l'organisme représentent un facteur de risque de diabète de type 2. La menace est particulièrement préoccupante chez les enfants quand des enfants sont exposés dans le ventre de leur mère. Les études chez l'animal ont trouvé qu'une exposition à de faibles niveaux de perturbateurs pendant la vie prénatale peut favoriser l'obésité plus tard. Les scientifiques demandent donc que des mesures soient prises pour réduire l'exposition à ces molécules, d'autant plus que de nouveaux produits chimiques sont continuellement introduits sur le marché. Des tests sont nécessaires pour identifier les nouveaux perturbateurs endocriniens. De plus, les experts appellent à ce que plus de recherches soient réalisées pour mettre en évidence les relations de cause à effet entre l'exposition aux perturbateurs endocriniens et les problèmes de santé. Votre visage peut révéler si vous êtes riche ou pauvre. Je l'ai mentionné en intro et ça m'intriguait pas mal. Une étude de l'Université de Toronto a trouvé qu'il était possible de prédire le statut socio-économique d'un individu juste en regardant son visage. Mais pour cela, le visage doit être dénué d'expression, car avec un sourire, ce serait moins évident. Dans cette recherche qui paraît dans Journal of Personality and Social Psychology, Nicholas Rule et Tara Bjornsdottir ont formé deux groupes d'étudiants. D'un côté, ceux dont le revenu familial était inférieur à 60 000 $ par année et ceux pour qui il était supérieur à 100 000 $. Les étudiants étaient ensuite pris en photo. Un autre groupe de volontaires a regardé les photos et devait dire instinctivement qui semblait riche ou pauvre. Les participants ont réussi à faire des prédictions avec une réussite que les chercheurs estiment supérieure au simple hasard. Les résultats n'étaient pas affectés par l'origine ethnique ou par le sexe. Les gens ne sont pas vraiment conscients des indices qu'ils utilisent lorsqu'ils font ces jugements, disent-ils. Si vous leur demandez pourquoi, ils ne le savent pas. Dans un communiqué de l'Université de Toronto, Nicholas Rule a expliqué, je cite, « Ce que nous voyons, c'est que les étudiants de 18 à 22 ans ont déjà accumulé suffisamment d'expérience de vie, ce qui a visiblement changé et façonné leur visage à tel point que vous pouvez dire quel est leur statut socio-économique ou leur classe sociale. » Il était intéressant de voir, que la faculté à déceler la classe sociale d'une personne ne s'appliquait qu'à des visages neutres et non pas à ceux qui souriaient ou exprimaient des émotions. Celle-ci masquerait ces indices ou expressions du visage qui témoignent du vécu de l'individu. On dit que, au fil du temps, votre visage arrive à refléter en permanence et révéler vos expériences. Même lorsque nous pensons que nous n'exprimons pas quelque chose, les reliques de ces émotions sont toujours là. Et ben. Ensuite, un médicament commun contre l'épilepsie se révèle très utile contre l'Alzheimer. C'est la première fois des chercheurs ont montré qu'un médicament commun contre l'épilepsie peut normaliser l'activité cérébrale d'un patient atteint de la maladie d'Alzheimer, une découverte extrêmement prometteuse. Les patients atteints d'Alzheimer sont connus pour avoir davantage de risques de développer des crises d'épilepsie, même si la grande majorité n'a jamais fait de crise et n'en fera jamais. De précédentes études avaient montré que chez de nombreux patients, l'activité cérébrale durant ces crises se poursuivait sans être détectée, ce qui provoquait certains des symptômes cognitifs ressentis par les patients. Une équipe du Beth Israel Deaconess Medical Center de l'école de médecine de Harvard s'est donc intéressée aux médications anti-convulsions pour déterminer si celles-ci avaient un effet sur l'activité cérébrale des patients souffrant d'Alzheimer. Un médicament particulièrement le Levitiracetam, a retenu leur attention. Il avait déjà montré des signes, très encourageants sur les souris. De précédentes études avaient même permis d'établir que de faibles doses de lèvres pouvaient améliorer la mémoire de certains patients. Aujourd'hui, ces chercheurs ont pu tester le médicament sur des patients souffrant de l'Alzheimer et les résultats sont très prometteurs. L'équipe dirigée par le neurologue Daniel Z. Press du BIDMC a mesuré les effets d'une seule dose de lèvres dans 7 patients souffrant de la maladie en menant une étude à double aveugle, 3 injections au total, faible dose de lèvres, haute dose ou placebo. Avant et après chaque injection, un électroencéphalogramme fut réalisé et les patients ont aussi réalisé plusieurs tests cognitifs standardisés. Les résultats ont montré que les patients qui avaient reçu la plus grosse dose de lèvres sont ceux qui présentaient le moins d'anormalités dans l'activité cérébrale. Cela n'influait par contre aucunement sur les scores aux tests cognitifs. À noter, l'équipe n'avait pas de groupe témoin de patients sans Alzheimer, donc ce qui les empêche de déterminer si les effets seraient aussi visibles durant un vieillissement normal ou sain. L'équipe tente maintenant d'obtenir les autorisations pour réaliser une étude à plus grande échelle et pousser l'analyse des effets du LEV dans le traitement de la maladie d'Alzheimer. Évidemment, ça reste à suivre. Et finalement, le sens de l'odorat fait-il grossir? Le sens de l'odorat qui nous permet d'apprécier les bons petits plats serait en partie responsable de nos kilos en trop. C'est ce que suggère une étude américaine qui montre que les souris sans odorat grossissent moins et brûlent plus de graisse. Wow! L'odorat, en plus d'aider les animaux à reconnaître un danger ou un partenaire sexuel, joue un rôle essentiel dans l'alimentation au point qu'on peut se demander si l'odorat fait grossir. Dans un article paru dans la revue Cell Metabolism, des chercheurs de l'Université de Californie à Berkeley ont travaillé sur un modèle animal avec des souris. Dans une première expérience, ils ont inactivé les cellules olfactives du cerveau chez celles qui avaient grossi à cause d'un régime riche en graisse. L'effet a été net, elles perdaient du poids, surtout des graisses, et leur résistance à l'insuline diminuait. De même, des souris sans odorat et de poids normal, soumises à un régime très gras, grossissaient moins que celles qui gardaient ce sens intact. La perte des neurones olfactifs semble donc protéger de l'obésité. Les souris sans odorat ne mangeaient pourtant pas moins et n'étaient pas plus actifs physiquement. En revanche, le sens de l'odorat semblait lié à des fonctions métaboliques. Les sujets qui en sont privés brûlaient plus de graisse à cause d'une activité nerveuse sympathique accrue et augmentaient leur thermogenèse à partir de graisse brune. Dans une autre expérience, les chercheurs ont augmenté le sens de l'odorat de la souris en inactivant des récepteurs du système olfactif. Celles qui en avaient un plus développé gagnaient en graisse et devenaient résistantes à l'insuline. Cette recherche suggère donc qu'il pourrait être possible de jouer sur l'odorat pour perdre du poids. Les auteurs notent que même une perte d'odorat relativement courte améliore la santé métabolique et la perte de poids malgré les conséquences négatives d'un régime alimentaire riche en matière grasse. Chez l'homme, le sens de l'odorat varie en fonction des circonstances. Il est particulièrement aiguisé quand nous n'avons pas mangé depuis longtemps et réduit si nous avons le ventre plein. Avec l'âge ou après un AVC, certaines personnes perdent ce sens et avec lui leur appétit. Certes, sans l'odorat, très important pour apprécier le goût des aliments, nous mangerions probablement moins. Intéressant. On termine ce bloc avec un album de musique de jeux vidéo joué à l'envers. C'est un musicien qui a eu une idée de jouer certains thèmes de musique classique et de jeux vidéo à l'envers. Retrogression est une création du musicien qui se fait connaître sous le nom de Stemage, nous dit plugin.zonet.com. Ce dernier a eu l'idée d'inverser les partitions de certains classiques de la NES, comme Super Mario Bros., Punch-Out et Tetris. Il n'a pas seulement inversé les pistes audio, mais les a réarrangées. Et le résultat est quand même impressionnant. Non seulement les quatre pistes de son album s'écoutent très bien, mais on a en plus cette petite touche de nostalgie, alors que les morceaux sonnent quand même comme des originaux. Histoire de rajouter une petite touche de reverse à l'expérience, nous dit l'article, Stemage propose les quatre pistes elles-mêmes inversées pour démontrer que son adaptation des partitions à l'envers sont proches des musiques originales. C'est donc une expérience musicale particulière qu'on peut écouter en intégralité sur Bandcamp. Et vous pouvez aussi acheter ces pièces, bien sûr. Il y a un volume 2 qui est déjà en cours de production. Donc on va entendre, pour commencer, Super Mario à l'envers, pourquoi pas. Voici donc, et là il faut lire le titre à l'envers. C'est Sorb Oiram Repus pour Super Mario Brothers. On m'a fait ton show sur Sifu. l'avez sûrement pas reconnu, c'était Tetris Sirtet dans ce cas-ci, joué à l'envers sur l'album Retrogression Volume 1 par Stimage au Mathieu Planchot. Maintenant, c'est le segment Geek Cynix. C'est le segment qui parle de tout ce qui est cool, nouveau et extrêmement intéressant. Commençons par les robots, bien sûr. Le robot assistant pour personnes handicapées de Toyota. Toyota a mis au point un robot d'assistance pour personnes handicapées capable de réaliser des petites tâches du quotidien afin de leur simplifier la vie. Le constructeur japonais donc fait partie des entreprises à la pointe de la technologie pour les robots dont l'utilité est d'assister les personnes dans leur quotidien. Le 30 juin dernier, le groupe a publié sur YouTube une petite vidéo montrant une avancée majeure, le premier test conduit chez une personne à mobilité réduite de son Human Support Robot. Le robot qui a nécessité plusieurs années de développement en laboratoire a été livré à un vétéran de la guerre d'Afghanistan, Romulo Camargo, qui est resté paralysé à la suite de blessures de guerre. Si les tâches que HSR est en mesure de réaliser sont assez rudimentaires, il est capable de prendre une bouteille d'eau et la tendre à Romulo pour qu'il puisse la boire. Il sait lui ouvrir la porte ou encore lui apporter à manger. Les objets qu'il doit utiliser sont estampillés, oui, par des codes QR afin qu'il puisse les reconnaître. Ce premier test a été un succès et Toyota vise à améliorer son petit robot qui ne fait qu'un mètre de haut et qui ne dispose pour l'instant que d'un seul bras télescopique. Un bras, voyons ce que ça va faire avec ça. HSR est de petite taille afin de s'adapter à toutes les configurations de maison, capable d'éviter des obstacles à des mouvements lents et fluides afin d'éviter tout accident et peut se commander par la voix, par des commandes manuelles ou encore par des commandes directement insérées dans la bouche de la personne afin de s'adapter à tous les types de handicap moteur. Voilà. Google travaille avec OpenAI pour empêcher un soulèvement des robots. C'est quand même aussi remarquable puisse-t-elle être, nous dit Uber Gizmo. L'intelligence artificielle fait peur et pour cause, il pourrait entraîner un soulèvement des robots. Certains experts du domaine commencent déjà à y réfléchir. Google s'est ainsi associé à OpenAI pour tenter d'empêcher une telle situation. Google DeepMind et OpenAI ont récemment publié un article dans lequel ils dévoilent une nouvelle méthode de machine learning. Dans celle-ci, la machine apprend de l'homme et non d'elle-même, ce qui mène parfois à des conséquences non désirées. L'article souligne l'un des problèmes principaux avec l'intelligence artificielle. Lorsque celle-ci apprend que tricher est parfois le meilleur moyen d'obtenir la meilleure récompense, celle-ci intègre cette méthode comme tout à fait normale. En utilisant un système de récompense contrôlé par l'homme et non un système de récompense automatisé, les futures intelligences artificielles pourraient donc apprendre à se comporter comme l'homme, satisfaisant nos préférences. L'inconvénient de cette méthode reste qu'il faut quand même une énorme implication humaine, ce qui est loin d'être idéal. Justement, parlant de ça, oui, tiens, Google qui veut humaniser l'intelligence artificielle. Google vient donc de lancer un nouveau programme nommé People Plus AI Research pour étudier la manière dont les humains interagissent avec des intelligences artificielles afin de rendre ces systèmes plus utiles et complémentaires. Que ce soit pour la traduction instantanée, hein, comme moi tantôt dans Television, la reconnaissance vocale et d'images, l'analyse de données pour le diagnostic médical, la composition de musique ou pour lire sur les lèvres, oui, l'intelligence artificielle, donc l'IA, a permis de réaliser des prouesses. Mais au-delà de la performance pure, quelle utilité l'intelligence artificielle peut-elle avoir pour les hommes? Peut-on la concevoir non pas comme une fin, mais comme un moyen avec lequel penser de meilleurs outils pour augmenter les capacités humaines? Cette problématique assez évidente en apparence, Google a décidé de l'aborder de manière plus concrète à travers un nouveau programme qui s'appelle People Plus AI Research, ou le PAIR. Le géant américain fait partie des entreprises les plus en pointe dans le domaine de l'intelligence artificielle, notamment par l'intermédiaire de sa filiale DeepMind, spécialisée dans l'apprentissage automatique, ce qu'on appelle le machine learning, et les réseaux neuronaux profonds. Les énormes progrès accomplis récemment par l'intelligence artificielle s'accompagnent de nombreuses questions sur les risques potentiels que cette technologie fait peser sur le développement de nos sociétés. Google a d'ailleurs déjà identifié 5 grands problèmes de sécurité que pose l'intelligence artificielle, et avec son projet PAIR, l'entreprise californienne dit vouloir adopter une approche humaniste de l'intelligence artificielle. Le but de PAIR est donc de se concentrer sur le côté humain, la relation entre les usagers et la technologie, les nouvelles applications qui peuvent en découler et comment faire en sorte de la rendre plus inclusive. Concrètement, l'initiative comporte 3 domaines correspondant à plusieurs besoins: identifier et concevoir des outils pédagogiques et pratiques pour les chercheurs et les ingénieurs afin de les aider à maîtriser les techniques d'apprentissage automatique pour leurs projets. Ensuite, aider les professionnels comme les médecins, les fermiers, les techniciens, les designers ou encore les musiciens à être plus efficaces grâce à des applications d'intelligence artificielle pensées pour eux et faire en sorte que l'apprentissage automatique soit bénéfique au plus grand nombre afin que chacun puisse profiter de ses avancées. Cela passe par une démocratisation de la technologie qui sous-tend l'intelligence artificielle. Cette déclaration de bonnes intentions s'accompagne de la mise en disposition en open source d'outils de développement, la diffusion de guides et d'articles scientifiques pour partager des pistes de réflexion et des éléments concrets. Par exemple, Google a libéré le code de deux applications, Facets Overview et Facets Dive, qui aident les ingénieurs en intelligence artificielle à débuter dans le domaine de l'apprentissage automatique en leur fournissant une vue d'ensemble des données à utiliser. Comme le soulignent les promoteurs de Pair, le machine learning a cela de particulier qu'il nécessite non seulement un débogage du code, mais aussi des données qui peuvent conduire une intelligence artificielle à des décisions erronées, notamment sous l'influence de faux positifs. Si l'ouverture que veut promouvoir Google est pour le bien commun et sans conteste bienvenue, elle a tout de même de quoi surprendre. On peut s'étonner d'entendre qu'il faut placer l'humain au cœur des développements de l'intelligence artificielle, ce qui semble assez évident. Par ailleurs, il faut savoir que les GAFAM, pour Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, recrutent les meilleurs experts en intelligence artificielle pour leurs projets, ce qui fait grincer des dents dans le milieu universitaire qui ont l'impression de se faire détrousser et estiment que les géants de la high-tech ne jouent l'ouverture que dans leur propre intérêt. Un débat qui n'est sans doute pas prêt d'être clos, nous dit Futura Science. Ensuite, j'en parlais en intro, donc j'en parle maintenant. Google finance une rédaction composée uniquement d'ordinateurs. Oui, donc l'agence a récemment reçu une aide de 706 000 € de la part du géant de Mountain View dans le but de créer quelques 30 000 articles pour des journaux locaux. Cela ne saurait évidemment sonner le glas du journalisme ou du travail d'écriture comme nous le connaissons aujourd'hui. Comme le rappelle Peter Clifton de la Press Association, je cite, « Le talent des journalistes humains sera toujours vital dans le processus, mais Radar, c'est le nom du système, permet d'exploiter l'intelligence artificielle pour la mettre à un volume qui serait impossible à tenir humainement. Une fantastique avancée pour la Press Association, dit-il. » Cette initiative aidera à n'en point douter les médias locaux qui luttent avec de petits budgets. Une intelligence artificielle pour écrire leurs articles est une option bien moins onéreuse pour proposer du contenu. Par exemple, des résumés sportifs. On a déjà parlé de ça pour un analyste sportif à la radio dans une précédente chronique. Mais ici, ce serait pour écrire un petit résumé de match avec les pointages. On nécessite pas nécessairement un humain pour ça. On a besoin de ça pour plus aller faire des entrevues sur le terrain, des résumés de mi-saison, des trucs comme ça, des trucs plus en profondeur. On peut envoyer des journalistes là-dessus et laisser les robots, les ordinateurs, écrire les petits résumés de match facile. Bref, c'est pas la première fois que l'intelligence artificielle est utilisée dans les salles de rédaction. L'avantage est évidemment le gain de temps. Certains pourraient, cela dit, leur reprocher un manque certain de chaleur ou de caractère, ce qui fait qu'un journaliste est parfois préféré à un autre. Ensuite, on parle de télépathie qui serait possible d'ici 8 ans, promet la fondatrice de Open Watcher. Le décodage de la pensée et son éventuelle transmission à d'autres personnes et à des systèmes informatiques, c'est ce que promet la société Open Watcher d'ici 8 ans seulement. C'est Mary Lou Jepson qui l'affirme. À côté de l'essor des capacités des intelligences artificielles, c'est la possibilité de transmettre la pensée humaine à des systèmes informatiques qui titillent les grands noms de la Silicon Valley. Elon Musk, patron de Tesla, SpaceX et The Boring Company, y réfléchit déjà avec sa nouvelle société Neuralink, tandis que Facebook imagine au sein de sa Research and Development un système pour transcrire les pensées beaucoup plus vite avec un smartphone, un téléphone intelligent. Une autre société, Open Water, promet carrément la possibilité de processus de télépathie d'ici 8 ans à peine. Ça pourrait passer pour des déclarations flamboyantes en vue de séduire des investisseurs en quête d'innovation fumante, nous dit Génération NT, si la fondatrice de la société en question n'était pas Mary Lou Jepson. Passer par Facebook, Oculus et Intel et même le Google X est à l'origine du dépôt d'une centaine de brevets. Elle se propose de miniaturiser l'équivalent d'un équipement d'IRM, ça c'est l'imagerie par résonance magnétique, pour en faire un objet wearable, donc portable sur soi-même, dont les capteurs seraient cachés par exemple dans un chapeau et qui serait capable d'analyser finement le fonctionnement du cerveau. L'IRM est déjà régulièrement utilisé dans les études sur le fonctionnement du cerveau pour en observer les zones réactives à différentes stimulations. Il est déjà possible de corréler certains processus mentaux, voire certains types de pensées, avec différentes zones activées du cerveau. En transformant les lourds équipements médicaux en simples objets connectés à porter sur soi, la détection de l'état de neurones et des corrélations avec les pensées constituant une sorte d'image tridimensionnelle du cerveau en fonctionnement pourrait être grandement affinée au point d'identifier les pensées d'un sujet. À terme, et un peu selon la même veine que le lacet neuronal envisagé par Elon Musk, il devrait être possible d'identifier et modéliser les pensées pour les transmettre à grande vitesse vers d'autres supports beaucoup plus rapidement que s'il fallait les décrire oralement ou les écrire. Ce fantasme d'échange de pensées à grande vitesse par rapport au bas débit imposé par notre cerveau et notre condition humaine correspondant à une forme de télépathie, Mary Jepson croit pouvoir le réaliser dans des délais pas si éloignés et on y voit un moyen d'accélérer encore les capacités humaines d'innovation puisqu'il deviendrait possible par exemple d'imaginer un objet dont la seule pensée pourrait aussitôt devenir une création physique et bien réelle en impression 3D. Là où l'approche d'Elon Musk imposerait un branchement entre le système nerveux et une machine, Mary Lou Jepson propose une technique non évasive capable dans un premier temps de détecter et traiter certaines pathologies du cerveau avant de s'attaquer à la reconnaissance de pensée une fois le système affiné. Sauf que tout ceci n'existe encore que sur papier, même si les premiers prototypes sont promis par Open Water d'ici 2018. Mary Lou Jepson prend également soin d'évoquer les possibles dérives d'un tel système de détection des pensées s'il tombait entre de mauvaises mains. C'est toujours ce qu'il faut craindre. Et est-ce qu'on a le temps pour un dernier article? Non, je crois pas. Donc, on va terminer ici pour le segment Geek CNX. Les liens sont sur les notes de l'émission numéro 168 du Mathieu Plante Show. Mais pour l'instant, on va devoir clore ce beau petit bloc de 2 heures qu'on a passé ensemble. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct les mercredis entre 15h et 17h. On rappelle les jeudis à midi, les mardis à 10h et les samedis à 9h. Je vous retrouve aussi à Assemblage Rocky les jeudis de 14h à 17h tout l'été. Consultez la programmation complète sur site.ca. Retrouvez les notes de l'émission, les balados diffusion sur Assemblage Rocky. Pour les auditeurs du mercredi, oui, restez à l'écoute. Audiomatique s'en vient de la part de Frédéric Simon, de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Choc Mathieu Plante. C'était Mathieu Plante, vous avez été planté et on se quitte avec d'autres pièces de l'album de jeux vidéo joué à l'envers. Je trouve ça vraiment le fun, il nous en restait quelques-unes. Donc allons entendre la pièce de Ghosts and Goblins jouée à l'envers. Et à la semaine prochaine, bye bye.